السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله في الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. D'après Abu Najih al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés par une exhortation qui fit frémir les cœurs et couler les larmes. Nous lui dîmes alors: ô messager d'Allah, cela ressemble à un serment d'adieu, fais-nous donc une dernière recommandation. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: je vous recommande de craindre Allah azza wa jal, d'écouter et d'obéir à votre gouverneur, et cela même si celui dont vous êtes sous l'ordre est un esclave habashi. Certes, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de discorde, beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma voix, à ma sunna et à la sunna des califes sur la droiture bien guidée. Mordez-y à pleines dents et prenez garde aux nouveautés religieuses, car toute innovation est un égarement. Rapporté par At-Tirmidhi, qui a dit: hadith bon, authentique. Cet immense hadith donc que nous avons entre les mains contient plusieurs profits et plusieurs masaïls. Premièrement, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement dans la parole de Al-Arbad ibn Sariyah radiyallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés par une exhortation qui fit frémir les cœurs et couler les larmes. Nous avons dans cette parole l'importance de Al-Maw'idha, l'exhortation dans la vie du musulman. Cela par le fait de se rappeler ou bien de rappeler à autrui ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé à ses serviteurs comme récompense dans l'au-delà pour leur obéissance, ou comme châtiment pour les désobéissants, ou de citer ce qui se réfère à l'au-delà comme le paradis ou l'enfer, et le fait que cela a un impact qui est un des plus bénéfiques sur les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, et rappelle, car certes le rappel profite aux croyants. Surat al-Dhariyat, verset 55. Et Allah azza wa jal a nommé son noble livre, le Coran, comme étant un rappel, un dhikr. Comme dans sa parole subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ, et il est certes un rappel pour les pieux. Surat al-Haqqa, verset 48. Et donc, l'importance pour le musulman de choisir une compagnie qui lui rappelle constamment le bien, qui l'exhorte dans le bien, qui lui rappelle le bien et qui l'exhorte quant au fait de délaisser le mal. Et à l'inverse, prendre garde à la compagnie des gens qui sont des gens de l'insouciance, des gens qui se détournent de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son évocation, qui se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont dirigés entièrement vers l'amour de ce bas monde et dans la concurrence, dans le fait d'acquérir ce qui s'y trouve. Cela comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent pas d'eux en recherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont ses affaires lui échappent. Surat al-Kahf, verset numéro 28. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala donc de nous accorder la meilleure des compagnies dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis dans sa parole, donc dans la parole de Al-Abbad ibn Sari, radiallahu anhu, qui a dit, à propos de cette exhortation, qui fit frémir les cœurs et couler les larmes. Donc nous avons dans cela ce qui montre ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme piété, comme pureté des cœurs. Donc cela à l'inverse des personnes qui ne sont pas exhortées par le rappel, par le Coran, qui ne sont pas touchées par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa parole, radiallahu anhu, lorsqu'ils ont dit, ô messager d'Allah, cela ressemble à un sermon d'adieu. Fais-nous donc une dernière recommandation. Nous avons aussi dans cela ce qui nous montre ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le savons, comme engouement pour la connaissance de la vérité, pour le fait d'apprendre la religion et de la mettre en pratique, pour le fait de connaître le bien, pour le mettre en pratique. Et nous savons aussi qu'ils étaient connus aussi pour le fait de chercher à connaître le mal pour s'en prémunir, comme cela a été rapporté par Hudhayfa radiallahu anhu, ibn al-Yaman, qui a dit, les gens demandaient à propos du bien et moi je demandais à propos du mal par peur qu'il ne m'atteigne. Donc le fait que la personne accourt, comme l'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chercher à connaître le vrai, connaître le bien, cela pour le mettre en pratique, et aussi à chercher à connaître le mal pour pouvoir le délaisser et s'en prémunir. Puis dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, je vous recommande de craindre Allah azza wa jal. Donc qui est ici la première des recommandations qu'il a fait sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Al-taqwa, donc la piété, la crainte d'Allah azza wa jal, qui consiste à accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, délaisser ses interdits subhanahu wa ta'ala, cela par peur de son châtiment et par espoir envers la récompense qu'il a réservée à ses serviteurs. Tout cela en se basant sur science. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, awsahum bitaqwallah, a recommandé la piété qui a des mérites innombrables qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi enjoint, a aussi recommandé la piété aux premières des générations. Comme il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Et nous avons certes enjoint ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Surat An-Nisa, verset numéro 131. Puis, sa deuxième recommandation, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa parole, est d'écouter et d'obéir au gouverneur. Donc, de craindre Allah Azza wa Jal, et d'écouter et d'obéir au gouverneur. Donc ici, as-sam'u wa ta'a, l'écoute et l'obéissance au gouverneur parmi les musulmans, qui est donc un des fondements des gens de la sunna. Donc, les gens de la sunna qui se basent pour ce fondement-là sur un grand nombre de textes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Surat An-Nisa, verset 59. Donc ce fondement qui est sam wa ta'a li wali al-amr, le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur parmi les musulmans, est un fondement qui par lequel Donc les musulmans obtiennent d'énormes bienfaits, comme la stabilité du pays, la paix, la sûreté, le fait que les croyants soient regroupés, soient réunis, le fait qu'ils ne soient pas divisés. À l'inverse de ce à quoi appellent certaines sectes égarées comme Al-Khawarij, ou bien ceux qui s'y apparentent, ou bien comme Al-Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans et autres, qui incitent à la révolte contre les gouverneurs, à leur renversement, que ce soit par la langue ou par les armes. Une chose qui, donc, en plus d'être contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le voyons dans ce hadith, et contraire à la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est aussi une énorme cause qui mène au désordre sur terre. Donc, de laquelle découlent d'énormes maux qui touchent les musulmans. Cela, que ce soit cela dans leur honneur, fi irdihim, que cela soit dans leur honneur, fi irdihim, ou bien dans leur sang, ou bien dans leurs biens, en plus de nuire à leur religion. Et donc, cette obéissance au gouverneur, as-samu'at-ta'a, se fait obligatoirement dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah Azzawajal. Comme l'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Aucune obéissance aux créatures dans la désobéissance au créateur. Et cette obéissance se fait même si ce gouverneur n'est pas pieux, mais injuste, pervers, tyran ou autre. Comme l'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole, et cela même s'il te frappe le dos et prend ton argent. Donc tout cela dans le but de préserver l'intérêt général des musulmans, de préserver leur unité. Et tout cela en conseillant le gouverneur, dans le cas où il a des fautes ou des erreurs qui sont à corriger. Cela de la meilleure des manières pour ceux qui en ont la capacité. Et en faisant des invocations pour le gouverneur. Ad-du'a li walil amr. Donc le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit réformé. Car par sa réforme se concrétise donc un grand bien, énormément de bien, qui revient aux musulmans. Cela comme il a été rapporté dans certains affaires de certains salafs, comme l'imam Ahmed et autres, qui ont dit, si j'avais une invocation exaucée, je l'aurais faite pour le gouverneur des musulmans. Car par sa réforme se fait la réforme du peuple. Aw kama qal, rahimahullah. Donc le musulman qui veut du bien pour l'islam, pour les musulmans, invoque en faveur du gouverneur. Comme le fait qu'il invoque en faveur du reste des musulmans, et en particulier ici le gouverneur qui a un droit particulier. Donc il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah le réforme, pour qu'il soit guidé, car par cela se concrétise bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala un grand bien. Et cela fait partie des signes, genre de la sunna, le fait d'invoquer pour le gouverneur des musulmans. Et cela aussi fait partie de la nasiha, du bon conseil, donc que le messager sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans le hadith comme étant toute la religion. Comme dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, Ad-dinu an-nasiha. Le dîn, donc la religion, est le bon conseil. Ils lui ont dit, sallallahu alayhi wa sallam, envers qui? Il a répondu, envers Allah, son livre, son messager, envers les dirigeants des musulmans et le commun des musulmans. Donc, envers les dirigeants des musulmans. Parmi la nasiha, le fait d'invoquer Allah azzawajal pour qu'il les réforme et pour qu'il soit bien guidé. Et donc, à l'inverse, donc on sait qu'il ne fait en aucun cas partie de la nasiha, du bon conseil, le fait de dénigrer, d'insulter, de médire ou de calomnier les dirigeants des musulmans. Bien au contraire, cela en plus d'être contraire à la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam, cela est une cause de désordre sur terre et de mal. Et quant aux nuisances ou injustices que le musulman peut recevoir provenant du gouverneur, une chose qui arrive et qui va arriver inévitablement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de cela. Donc, il a aussi sallallahu alayhi wa sallam cité le remède à cela, le remède aux injustices et au mal qui peut provenir de certains gouverneurs parmi les musulmans. Cela comme dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura après moi de l'accaparement, c'est-à-dire le fait que certains gouverneurs vont s'accaparer des biens et se réserver des biens du peuple ou de l'État ou autre. Donc il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura après moi de l'accaparement et des choses que vous détesterez. Ils lui ont dit, Ô messager, que nous ordonnes-tu lorsque nous atteindrons cela? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, donnez le droit qui est sur vous, donc c'est-à-dire le fait d'écouter et d'obéir, et demandez à Allah votre droit. Donnez le droit qui est sur vous, et demandez à Allah votre droit. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, a dit, en explication de ce hadith, dans son commentaire de Sahih al-Imam Muslim, il a dit, rahimahullah, cela fait partie des miracles prophétiques, donc ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant au fait qu'il y aura des gouverneurs qui s'accapareront les biens du peuple ou de l'État. Donc il a dit, rahimahullah, cela fait partie des miracles prophétiques. Et cette information s'est produite plusieurs fois. Et cette information s'est vue se répéter. Et dans cela, il y a une incitation à l'obéissance et à l'écoute. Et cela, même si celui qui est au, mais cela, même si celui qui est au pouvoir est injuste, tyran, oppresseur. On lui donne donc son droit à l'obéissance et on ne se soulève pas contre lui, ni le destitue, mais on se dirige vers Allah avec supplication pour qu'il retire, pour qu'il ôte ses nuisances, repousse son mal et le réforme, c'est-à-dire le gouverneur. Et donc les hadiths dans ce sens sont nombreux. Les hadiths montrant l'obligation d'obéir au gouverneur, et cela même si il est oppressant, injuste, tyran ou autre, cela pour toute personne qui cherche la vérité. Puis dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, certes, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de discorde, beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma voix, à ma sunna, et à la sunna des califes sur la droiture bien guidée. Donc ici, c'est-à-dire que la communauté, l'umma, va se diviser et qu'il y aura des troubles. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais une chose que chaque musulman voit. Des troubles, des divergences qui feront que les musulmans vont se diviser. Certains émettront des avis, des voix qui sont autres que celles sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc une chose qui se produit et que chaque musulman voit et perçoit. Et donc le remède à cette division, car ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le mal, qui est la division, puis a cité le remède à cette division et le remède à ce mal. Donc le remède ici à ce problème et sa solution sont dans ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam à la fin du hadith. Accrochez-vous donc à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés. Donc le fait de s'accrocher fermement au Coran et à la sunna. À la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses califes bien guidés. Comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, dans sa parole, je vous ai certes laissé une chose. Si vous vous accrochez à celle-ci, alors vous ne serez jamais égaré. Le livre d'Allah, Kitab Allah, wa sunnati et ma sunna. Donc, cela pousse le croyant, le musulman, à donner une importance capitale, une grande importance à la science. Le fait d'apprendre la sunna, d'apprendre le Coran, ce sans quoi il ne peut être préservé des troubles et des divergences que le messager sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith. Car le remède est le fait de s'accrocher fermement à la sunna. Mais on ne peut s'accrocher fermement à la sunna qu'après l'avoir connu et qu'après l'avoir appris. Et cela pousse aussi le croyant à chercher à connaître les gens de la sunna, les savants de la sunna, pour pouvoir apprendre d'eux cette sunna et cette compréhension authentique et correcte du Coran. Et parmi les paroles de salaf rapportées dans ce sens, dans l'importance de l'accrochement à la sunna, ce qui a été rapporté de l'imam Malik, rahimahullah, qui a dit, la sunna est l'arche de Noé. Celui qui y monte est sauvé, et celui qui la délaisse se noie. Et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, est ce sur quoi il était sallallahu alayhi wa sallam, ce sur quoi il cheminait, dans la croyance, dans les adorations, dans les actes, ainsi que les comportements, sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna des califes bien guidés, wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin, qui sont Abu Bakrin, wa Omar, wa Othman, wa Aliyun, radiyallahu anhum. Donc, ce sur quoi ils étaient comme œuvre fait aussi partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a été ordonné de suivre. La voie des salafs, donc à leur tête, al-khulafa الصحابة والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. Puis dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, mordez-y à pleines dents. Addu alayha bin nawadid. Donc, ici, cela incite et cela insiste et appuie sur l'importance de s'accrocher fermement à la sunnah. Donc, et montre à l'inverse la gravité et la dangerosité des divergences qui vont subvenir dans la communauté qui sont au contraire à la sunnah. Donc, et montre que le musulman ne doit pas simplement s'accrocher à la sunna, mais il doit s'accrocher fermement à celle-ci. Abdu alayha bin nawajid. Alors qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, juste avant, tamassaku. Donc, accrochez-vous. Donc, cela vient appuyer et donner un sens plus fort quant au fait de s'accrocher fermement à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, par la suite, sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre qu'il ne suffit pas seulement de s'accrocher à la sunna, de connaître le vrai, mais le musulman doit aussi connaître le faux, connaître ce qui contredit la sunna, pour pouvoir être préservé et prendre garde. Donc, car il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, juste après, « Wa iyyakum wa muhdathatil umur » et prenez garde aux nouveautés religieuses, car toute innovation est un égarement. Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incite à s'accrocher fermement à la sunna et aussi à prendre garde aux muhdathat. Donc cela montre aussi que le musulman doit connaître le vrai et le faux. Donc faire un effort pour apprendre la vérité et il se doit de connaître le mal, tout ce qui va à l'encontre de la sunna, pour pouvoir être préservé, mettre en garde contre cela et le délaisser. Le noble savant, le cheikh Salih ibn Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, donc tout ce qui contredit la sunna est muhdath, donc une nouveauté religieuse. Et les choses nouvelles dans la religion sont une innovation et un égarement. Comme dans le hadith, toute chose nouvelle est une innovation. C'est-à-dire, chose nouvelle dans la religion. Quant aux choses nouvelles dans les affaires mondaines, comme les montures, les vêtements, les demeures, alors cela n'est pas une innovation. Cela fait partie des choses profitables qu'Allah a rendu licite. Et ce qui est seulement voulu par ce hadith, est ce qui touche à la religion. Il est donc interdit à quiconque d'apporter une chose nouvelle dans la religion qui n'est ni dans le Coran ni dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, même si l'intention de son auteur est bonne et qu'il veut le bien. S'il veut vraiment le bien, il suit la sunna. Et s'il veut autre qu'elle, donc autre que la sunna, alors cela n'est pas un bien. Même s'il voit cela comme un bien ou il pense que c'est un bien. Et la sunna n'a laissé aucun bien sans l'avoir détaillé. Elle est complète et n'a aucunement besoin de choses nouvelles. Allah a dit, El yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Surat al-Ma'ida, verset numéro 3. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Surat al-Ma'ida, verset numéro 3. Intaha kalamuhu rahimahullah. Hada, wallahu a'lam. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, de nous accorder une science profitable, permettant de distinguer entre le vrai et le faux, et de nous raffermer subhanahu wa ta'ala sur sa religion. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma ahdina li ahsani al-akhlaq wa al-a'mal fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wa qina sayyi al-akhlaq wa al-a'mal fa innahu la yaqi sayyiha illa ant. Rabbana atina fi al-dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azab al-nar wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant واستغفرك واتوب اليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.